ça va? Ouais, ça va très bien. Es-tu en vacances? Ah non. Non? Jamais de vacances pour un comédien? Non, non, non. Toujours en création? Non. On se repose jamais? Ah non, non, non. Un comédien, s'il n'est pas sur scène, il est en dehors de la scène. Il fait... Oui. Il met la main à la pâte, il faut qu'il travaille, un peu de travaux, un peu de menuiserie, un peu de plâtre. Il faut faire son outil de travail. Hein. Il faut, on n'abandonne jamais. Jamais, non, non, non, c'est comme ça. Bon. Il y avait des conditions, on peut dire que tu es un ouvrier du théâtre. Un ouvrier, un artisan. Un artisan. Un artisan de théâtre, absolument. Et ce qui t'intéressait, toi, à l'origine, on se connaît grâce ouais. à mon ami Grondin. Ah, donc c'est lui qui vous a parlé de moi? Pas du tout. Ah. C'est à travers ses amis. Ah, d'accord, ok. J'ai vérifié, ouais. J'ai fait des recherches, et comme j'adore le théâtre, et je sais que toi, tu es beaucoup plus branché sur le théâtre... russe, le théâtre... Oui, un peu, ouais. Enfin, peu moi, beaucoup. C'est plutôt de l'Est, quoi, voilà. Oh, ouais, je viens des Balkans, en fait, hein. Ouais. Je suis un balkanique, je suis... Ouais. je suis un albanais, et d'ailleurs, voilà, chez nous, dans les coutumes de chez nous, quelqu'un nous invite, quand on va chez quelque part, notamment, donc, tu m'invites ce soir, aujourd'hui, donc je suis un peu comme chez toi, on amène toujours quelque chose. Voyons. Oui, donc du coup, moi, je t'ai amené un petit cadeau. Alors d'abord, je voulais partager un petit quelque chose avec toi. C'est des framboises qui viennent de la maison d'Alphonse Daudet. Ce matin, j'ai cueilli. Et ils sont très mûrs, ils sont très bons. Il y avait un petit soleil, donc je pensais à toi. Je me suis dit que ça pourrait te plaire, les goûter. Alors, ça vient du jardin de la maison d'Alphonse Daudet. Voilà, elles sont toutes fraîches. Elles viennent juste d'être cueillies ce matin. Mmh. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu en penses? Sont bonnes ou pas? Excellent. Merci. Et sinon, alors j'ai pensé à quelque chose parce que c'est vraiment, ça m'a fait vraiment plaisir que tu m'appelles et que tu m'as proposé cette petite rencontre. Alors je t'ai amené, comme veut la tradition, une petite bouteille de raki. Et qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que ça passe aux douanes québécoises? Il faut le cacher. Ok. Non, si, ça passe. Il faut le mettre dans les... Serviette et puis dans le sac, quoi. Okay. Alors ça, c'est du raki, c'est fait à la base du raisin. C'est comme un peu de l'eau de vie, mais on sent un peu plus le raisin. Et c'est mon père qui l'a fait. Donc, il vient du village, là où je suis né. Donc, du Kosovo. Voilà, je suis du Kosovo. Donc, ça, c'est un petit souvenir comme ça. C'est un petit digestif quand vous avez trop mangé. Si vous avez 42, 45. Ok, mieux vaut être. Eh bien, merci. Voilà, et aussi pour vous dire bienvenue ici à Paris, parce que vous avez fait un grand voyage, Denis, jusqu'ici, vous savez. Tout est relatif en 2013, c'est pas si loin que ça, c'est à côté. C'est 6h30 d'avion. 6h30 d'avion. 6h30, c'est à côté. Ah oui. Ben, c'est pas si loin. Oui, c'est juste à côté, oui. Et qu'est-ce qui t'a amené au théâtre? Merci encore, hein, pour ton autre vie. Ah non, ben, je t'en prie, c'est un plaisir pour moi. C'est très gentil. Le théâtre, qu'est-ce qui m'a amené? C'est compliqué, parce que... Moi, je viens d'un village auprès de la montagne, au Kosovo. Un tout petit village, et là-bas, il n'y a pas de théâtre. Donc, je ne savais pas ce que c'était le théâtre. Mais par contre, là-bas, on a des contes, on raconte des histoires. Donc, il n'y a pas de conteurs professionnels là-bas. C'est ça, ça compte dans des coins de rue, à l'intérieur, dans des salons, dans des mariages, dans des fêtes, du bistrot aussi. Donc, du coup, il n'y a pas ce métier de conte, ça n'existe pas. Mais j'étais bercé par les histoires, par des contes. Ah oui, un café s'il vous plaît. Vous allez bien? Ça va bien. Bonjour. On oublie des fois de dire bonjour ici. On est speed, hein. Et alors, donc du coup, moi j'étais baigné dans les histoires. Et ça m'a toujours plu parce que ça m'a permis de voyager. Ça permet de voyager. Les histoires, quand quelqu'un raconte quelque chose, bah, on part, on voyage. Oui. Alors, je suis venu en France et puis en France, on fait plein d'autres choses. Et puis, j'ai découvert le théâtre à l'âge de 20 ans, 19-20 ans. Et c'est très particulier, en fait, comme rencontre avec le théâtre parce que je ne savais pas ce que c'était, le théâtre. Parce que tu en avais jamais vu? Non, j'ai jamais été non plus. Donc, du coup, mon grand frère, lui, il faisait du théâtre. Et un jour, il me dit, viens, c'est bien le théâtre. Parce que moi, je sais qu'à cette époque-là, je m'ennuyais, je ne savais pas quoi faire. Donc je faisais plein de travaux à côté, droite à gauche, des études, je faisais du sport, tout ce qu'on pouvait faire quand on a 19 ans en fait. J'avais beaucoup d'énergie. Pour se désennuyer. Oui, absolument. L'ennui, c'est l'ennemi numéro un de l'homme. L'ennui. De moins en moins. De moins en moins. Ah oui. Tout dépend qu'est-ce qu'on entend par là, ennui. Ne rien faire. Ne rien faire. C'est déjà faire quelque mais chose. Mais c'est ça le problème, parce que l'homme ne peut pas ne rien faire. C'est ça l'ennui. De ouais. L'ennui. Tu peux même t'ennuyer à plusieurs. C'est ça le drame. Oui. Mais vous savez, quand on s'ennuie, merci. Quand on s'ennuie, on se met à faire des bêtises, en général. Parce qu'il ne faut pas s'ennuyer, il faut faire. Ouais. Et quand on commence à faire, l'action. Et c'est là où je pense que c'est un problème. Bon, après, c'est... Donc du coup, il m'a dit, viens, c'est vachement bien le théâtre, ça va te plaire et tout. Bon, je dis, je vais lui faire plaisir, mon grand frère, et puis je vais venir un jour. Et quand j'y vais là-bas, je vois, effectivement, il y avait des gens. Et là, il y avait une fille qui était très, très jolie. Qu'est-ce que tu en fais ? Elle m'avait dit un peu, viens, il y a des filles. Et je dis, bon, je vais bien le croire. Et j'y vais, je vois une fille, elle était vraiment belle. Elle s'appelait Natacha, elle était très, très mignonne. En tout cas, un prénom assez Elle était un peu basanée, comme ça, le visage. Elle était vraiment jolie. Donc, du coup, je le vois, je dis, elle est vraiment jolie, cette fille. Je vais aller pour elle, essayer de... De la conquérir, exactement. Et donc du coup, je l'ai jamais conquis, j'ai jamais réussi à faire quoi que ce soit. Mais par contre, au théâtre, je suis resté. C'est comme ça que j'ai découvert le théâtre, en fait. À travers cette jeune fille. Oui, absolument. Et il y a quelques années. Il y a quelques années, ça m'a touché parce qu'en fait, étant petit, ce que j'avais envie, c'est de faire tous les métiers du monde. C'est d'être. Le monde était ouvert à toi. Voilà, policier, d'être avocat, être curé, être chanteur, être curé, acteur. Ouais. Même curé, oui, ma mère voulait que je sois un curé. Mais j'étais enfant de cœur, tout ça. Donc du coup, je ne savais pas quel métier. Et je ne savais pas parce que je voulais quelque chose qui regroupe tout, le tout. Donc j'ai cherché, je ne trouvais pas l'argent, ça ne m'intéressait pas. Tout ça, ça me disait, c'est pas possible. C'est voilà. Des fringues, et quand je tombais dans le théâtre, là, j'ai vu que c'était possible d'incarner un policier, incarner un curé. Et en plus, on peut se marier. Ah, c'est génial. C'est la rencontre la plus belle que j'ai faite dans ma vie. Je crois que c'est le théâtre. Et les études que tu as faites ont été quand même assez marquantes pour toi, puisqu'il y a plusieurs avenues lorsqu'on est comédien. Alors il y a une, oui, il y a plusieurs une formation. On peut adopter plusieurs formations. Absolument. Donc du coup, moi, de naissance, si tu veux manger tes framboises. Ah non, vas-y, j'ai mangé ce matin, je me suis gavé. C'est des framboises, hein. Ah oui, framboises. Oui. C'est presque des fraises. Elles sont si grosses que les fraises. Incroyable. J'ai cueilli les meilleures. Hein. Oui, bien sûr. Ça se goûte. Oui, ok. Alors en fait, moi, de nature, je suis assez timide. Je m'ouvre pas beaucoup, j'ai besoin de trouver une sorte de confiance avec les gens, sinon c'est difficile. Maintenant ça a changé, mais à l'époque c'était très très timide, très timide. Donc du coup j'avais besoin de trouver une école qui était intime, quelque chose de sincère, quelque chose de vrai. Une famille. Quelque chose comme une famille. Et j'ai fait là, je suis allé voir Cours Florent, toutes ces grandes écoles. Déjà, premièrement, elles sont très chères. Vraiment. Deuxièmement, ce qui m'a déplu le plus, c'est cette usine. C'est comme une sorte d'usine de comédien où tout le monde va là, tout le monde est là, et ils sont à 30 dans la classe, et puis tout le monde est là pour se montrer. Ça, c'est ce que je déteste, c'est ça, c'est se montrer. On n'a pas besoin de se montrer. Donc je me sentais pas, je ne savais pas. Comme un idiot qui va et il dit, je sais pas, mais je sens pas. Et un jour, je fais la rencontre avec une femme bulgare, une grande pédagogue. Ouais, voilà. Dans ta vie, c'est la pire. Toujours. Non, mais c'est ce qui mène le monde, hein. C'est très balzacien, les femmes. Sans femme, il n'y a plus rien. Moi, j'adore. Mais les femmes ont sauvé la vie et elles continuent. Oui. Et donc, du coup, j'ai rencontré cette femme. Elle était d'une écoute, d'un regard exceptionnel, ça m'a tout de suite plu. De première rencontre, ça m'a plu. Je savais pas pourquoi. Et en plus, l'endroit était vraiment petit, il n'y avait pas rien d'extraordinaire. Et c'est ça que je cherchais. Il y avait 10 personnes, peut-être 10-15 maximum. Et c'est là que j'ai appris le théâtre. C'est là que j'ai connu tout le théâtre. C'est là où elle m'a donné même envie de faire le théâtre. Parce qu'on peut commencer à faire du théâtre. Hein, ah oui, elle m'a donné vraiment la flamme. la forme, le fond, on faisait des choses... Mais la flamme aussi. La flamme, l'essentiel. Et puis aussi, comment je suis arrivé à elle, c'est aussi grâce aussi à les livres de Stanislavski, ouais, que je ne connaissais pas du tout. Et une fille dans ses cours à l'époque que je prenais, cours un peu amateur, hein, me dit, tiens, lis ça, ça va te plaire. Donc en allant faire mon plombier, parce que j'étais plombier et serrurier, dans le train, je lisais comme ça. Et quand je lisais ça, je me disais, mais c'est facile. Ce qu'il demande là, je comprends. Il n'y a rien à faire, c'est vraiment être là et puis faire des choses, sincèrement, c'est tout. Ça, je peux le faire. C'était un peu naïf de ma part, hein. C'est un peu... Mais moi, j'ai trouvé facile et ça m'a aidé. Et c'était vachement bien de trouver ça facile. Donc du coup, ça m'a encouragé. Ça te ressemblait. L'œuvre te ressemblait, la façon, l'approche te ressemblait. Absolument. Ça me ressemblait. Je n'avais pas besoin d'essayer de comprendre. Je comprenais. Donc du coup, j'ai cherché donc une formation comme ça. Et cette dame, donc Radka Ryaskova, elle faisait cette formation à partir de la méthode Stanislavski. Donc, on a appris des bases. Et ces bases-là sont fondamentales pour un acteur. Et pour moi, c'est ça qui fait que je suis là aujourd'hui, en fait. Quand je suis perdu, je retourne dans mes bases et je trouve ma place, quoi. Je sais où je vais. Ça me rassure et c'est ça qui fait ma force. C'est quelque chose quand même d'assez intense où tu peux aller puiser lorsque tu as peut-être des coups de barre ou parce que c'est une formation quand même tellement, tellement dense, tellement intense que on n'en finit jamais de se comprendre et de comprendre les personnages à travers cette méthode, cette façon de faire. Mais pour moi, en tout cas, ce que j'ai appris avec Radka Ryaskova, c'est la profondeur des choses. C'est-à-dire, on allait avec l'imagination, la fantaisie, dans la profondeur de notre être. Et c'est ça qui était vraiment puissant. C'était, on allait dans le passé, dans le présent, dans le futur aussi. Et à travers des grands textes comme Ibsen, Tchekhov, on a travaillé ces grands textes, Tennessee Williams. Et c'est des textes aussi qui te permettent d'aller dans la profondeur. Et c'est... Moi, j'avais besoin de quelque chose de, comme ça, quelque chose de profond, de vrai. Et ça correspondait très bien avec ma recherche. Je n'avais pas besoin de des choses qui soient, comment dire, démagogues. M'as-tu vu, léger, qu'on pouvait voir ailleurs et qu'on voyait dans le théâtre actuel parisien, souvent. Et qu'on voit encore. Hein, et encore. Beaucoup de plus en plus. Parce que la télévision amène à ça. Amène à ça, cette légèreté, tout ça. Donc du coup, moi, ça correspondait très bien à cette époque-là. C'était parfait. De ne pas parfait. Te confondre à la masse. Et après, voilà, avec cette dame, on est resté en contact. Même maintenant, on continue à se voir, à discuter, à parler de théâtre, de formation, de comédiens. Et c'est une très belle rencontre. Vraiment, c'est vraiment... Et toi, tu veux aussi être le passeur, être celui qui pourrait diriger un jeune comme toi tu l'étais à l'époque et l'amener sur une voie théâtrale? Après, du coup, avec des rencontres différentes, quand j'ai fait mes 3 ans d'études d'acteur, j'ai eu tout de suite envie de faire la mise en scène. Voilà, à cette époque, peut-être c'était un peu... Je ne trouvais pas ma place en tant qu'acteur avec des metteurs en scène. Je n'arrivais pas à faire des rencontres qu'il fallait. C'est toute une question de rencontres. Moi, je venais du Kosovo, j'étais un peu ibizan, un berger du Kosovo qui était atterri dans la banlieue parisienne, dans le 9-3. Donc du coup, avec tous les racailles, tous les gens moins racailles qui sont des travailleurs que j'ai pu rencontrer, j'arrive dans un monde théâtral qui est vraiment rien à voir, quelque chose d'autre. Et même des fois, on traitait des pièces de banlieue ou d'autres pièces très simples. Pour moi, j'avais toujours l'impression que c'était à côté, en fait. Ça manquait d'intensité. Et du coup, j'avais du mal et j'ai décidé de travailler comme metteur en scène. Donc quand on travaille comme metteur en scène, on dirige les comédiens, forcément. Donc on dirige les comédiens et des fois on enseigne aussi, c'est une forme de pédagogie. Forcément, on fait un peu de pédagogie. Après, je me suis intéressé encore plus dans cette méthode-là et c'est là que je suis tombé, mais vraiment par hasard, en cherchant sur le pédagogue russe Anatoly Vassiliev, avec qui j'ai continué la formation à la fois d'acteur et aussi de metteur en scène. Et maintenant, je peux enseigner, oui, je peux très bien enseigner quelques bases, peut-être pas tout, mais des petites choses, quelques bases fondamentales, je peux enseigner à un acteur. Ouais. Lorsque les gens viennent te voir, tu peux voir rapidement si la personne est douée ou pas douée pour se lancer dans cette aventure extraordinaire qui est la camper des rôles, se placer dans le personnage. Est-ce que c'est difficile d'avertir ou de montrer à la personne qu'elle n'est pas faite pour ça, qu'elle n'a pas de talent? Est-ce que fondamentalement, tu crois que chaque individu est capable de jouer? Moi, je suis un peu nul dans les choix des comédiens. Pour mes spectacles, je me trompe souvent. Oui, je suis assez nul. C'est vraiment, je ne sais pas comment faire. Mais tu les vois pas avant sur une autre scène Si, parfois je les vois, parfois non. Parfois, je me fie un peu. Enfin, j'ai un côté un peu instinct comme ça dans l'instant, dans les rencontres. Mais ici à Paris, c'est un peu compliqué. Pour une petite compagnie, donc du coup on n'est pas, je joue pas à Théâtre de la Ville qui est au Théâtre des Abbesses ici, enfin on n'a pas des grands moyens. Donc, il n'y a pas de subvention chez vous? Non, là-bas non, il n'y en a pas, mais moi je parle à Paris, hein. Moi je vis à Paris depuis 20 ans maintenant, et je travaille ici, hein. Là-bas c'est... Là-bas, je suis un étranger, vous savez. Alors donc du coup, on peut... Oui. En fait, c'est difficile de dire à quelqu'un que tu n'es pas fait pour ce métier. Quand je sais d'où je suis venu, mon parcours, quand je vois, il y a quelque chose de possible, vraiment. Vraiment. L'impossible, c'est un peu comme la quête de Brel. Rêver l'impossible rêve. Et c'est à cette rêve, à cette quête-là que je suis accroché, je m'accroche encore. Alors, parfois, on voit des comédiens que vraiment, ça sonne comme ça. Et c'est vrai que t'as envie de lui dire arrête, mais je peux pas me le dire ça. C'est parce que je pense que j'ai pas le droit de lui dire à quelqu'un arrête ou fais ça. Je pense que c'est vraiment très personnel. Mais je peux avoir mon point de vue, mon idée. Oui, je vois des fois des gens qui sont pas faits pour ça et ça grince, c'est pas bien et c'est mauvais, c'est très mauvais. Il n'y a pas de âme, il n'y a rien. Oui, je vois. Mais je ne le dirai jamais. Voilà. Par modestie, gêne de troubler l'autre. Oui, je pense que... Ou qui suis-je pour juger aussi? Qui suis-je pour juger, ouais. Déjà, commencer par là. Je suis personne, enfin, voilà. Moi, j'y crois aux petits changements qu'on peut avoir dans la vie. Tu sais, moi, quand je suis venu en France, je ne savais même pas écrire mon prénom. J'hésitais sur mon prénom. J'étais largué, quoi. Excuse-moi. Hein. Non, y a pas de problème. Ça va. Ah putain. Voilà. Tu vois, voilà, j'étais lagué comme l'eau. C'est ça. Exact. Non, mais c'est important de le dire parce que souvent on croit qu'un comédien est né comédien et forcément il va faire sa vie autant que comédien. C'est pas vrai. En fait. Tout dépend du rêve. On a au fond de nous. Quelque part, on fuit au fond de nous un rêve. Un rêve qu'on ne sait même pas et qu'il faut juste laisser le temps et donner la possibilité, donner qu'elle se déploie ses ailes, donner les moyens, prendre sa place. Moi, j'y crois. Quand je viens ici, j'ai laissé mon bâton de berger au Kosovo et je prie. Le ticket de métro, je ne savais pas ce que c'est, il faut faire quoi avec ça? Il faut le mettre là, ah d'accord, je le mets, puis j'attends. Il passe maintenant, il faut le prendre là-bas, ah d'accord, tu le prends. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Tu pousses maintenant, ah d'accord, et vous poussez. Et voilà, c'est tout doucement en fait que j'ai commencé à découvrir la vie, Paris, enfin tout, apprendre. J'avais que 15 ans, mais c'est déjà, c'était, les changements étaient tellement incroyables que je sais pas comment expliquer. Mais pourquoi tu voulais quitter? En fait, c'était pas un choix, c'était mon père. Il est venu en France dans les années 69. Okay. parce que dans le Kosovo, c'était la région la plus pauvre de l'ex-Yougoslavie. À l'époque, c'était la Yougoslavie. Oui. Le Kosovo, c'était vraiment la région la plus pauvre. Donc, il y avait une pauvreté terrible. Donc, dans les campagnes, il y avait des agences françaises qui venaient chercher des travailleurs. Des travailleurs, mais pas n'importe qui. Les gens qui sont grands, 1m70 minimum, costauds, bonne santé, jeunes. Pour les faire travailler. Donc, on donnait les papiers, on donnait un salaire, on donnait un appartement et ils travaillaient. Dans le but, mon père est venu pour retourner dans son pays. Mais une fois qu'il était là, la pauvreté continuait toujours. Donc il y avait ses frères et tout ça, une grande famille qu'il fallait nourrir tout le monde. Et il est resté ici pendant 21 ans. Donc moi, je grandis avec mes frères et sœurs et ma mère là-bas tout seul avec toute la race de la famille. Donc dans l'éclatement, au moment où il y a eu l'éclatement de la Yougoslavie, là il y a eu aussi des problèmes familiaux, hein, il faut le dire, il y a eu des grands problèmes, on a eu des grandes tragédies. Donc du coup, il fallait faire un choix, rester ou partir. Rester, c'était simplement la guerre et le conflit et la mort, ouais, là, impossible. Partir, c'était un peu l'aventure et c'est ce qu'on a fait, on est tous partis. Donc on a fermé la clé, on a fermé la porte à clé, on est tous venus dans 30 mètres carrés, un appartement à Saint-Ouen, pas loin d'ici. Oh. Voilà, donc du coup, c'est comme ça que je suis venu en France, en fait. Et devant un texte, comment tu l'approches, comment tu rapproches le... Tu te mets en tête ou en bouche un récit, un rôle, est-ce que ça se fait automatiquement ou au contraire, il y a beaucoup de travail Moi, en tant que metteur en scène et aussi je joue dans mes spectacles. Oui, c'est ça. Alors, en fait, souvent c'est des coups de cœur. Et ces coups de cœur, c'est aussi, ça fonctionne à ce qu'on pense, à ce qu'on est aujourd'hui. À ce qu'on est, à ce qu'on vit et ce qu'on pense du monde qui nous entoure et de l'humanité et des gens. Ouais. Et quand il y a ça, ensuite il y a énormément de travail, énormément de recherche. C'est vraiment l'idée, c'est voilà, moi on m'a appris ça à l'école, c'est on détruit tout, on casse tout, voilà, dans tous les sens, on mélange tout, on prend d'autres textes, on mélange, et puis on fouille, on cherche, on travaille différentes manières, un bout de texte là, de l'improvisation, on travaille sur d'autres textes qui n'ont rien à voir avec le texte. Et de cette façon-là, une fois qu'on a tout élaboré, après tout doucement on nettoie et on vient tout doucement. Au texte dur, qu'on appelle au texte original. Donc on vient avec l'improvisation, donc en improvisant avec des études, différentes études qu'on peut faire sur le texte, et petit à petit on s'approche du texte. Et jusqu'à la fin où il n'y a que le texte qui reste, il n'y a plus d'improvisation. Comment tu te sens face à l'improvisation, la simple improvisation, sans aucun autre lien que les mots? Les lignes d'improvisation, comment tu sens par rapport à ça? Alors, il y a plusieurs improvisations, en fait. Il y a des nuances d'improvisation. Mais la ligne d'impro, tu connais la ligne d'improvisation? Non, je connais pas ça. C'est quoi? C'est les improvisations qu'on lance... Ouais, c'est cinq joueurs de la même équipe. Ah oui, je choisis ouais. Ce hasard. Ah non, moi, je c'est pas cette improvisation-là que je parle, en fait. Mais comment tu te sens, toi? J'ai jamais fait ça. OK. Non. Mais est-ce que tu pourrais te sentir mal dans la prochaine année? Je sais pas. Mais quelle sorte d'improvisation quand tu parles d'impro? Alors, il y en a plusieurs. Okay. En fait, il y a des improvisations, on prend un thème, un sujet, voilà. Et puis, il y a aussi des improvisations où on prend des objets, okay. Donc une situation. Ça, c'est des improvisations ordinaires, classiques. Et puis, avec Anatoly Vassiliev, on a appris une autre façon d'étudier. Parce que Vassiliev, il a pris la fin de la vie de Stanislavski et il a développé une méthode qui s'appelle sa méthode. La méthode est le jeu ludique. C'est un jeu ludique, c'est-à-dire qu'on prend le texte et à partir de ce texte, il y a le texte original. Et dans le texte, on suit une ligne avec l'improvisation, le vrai texte. Donc, et là, il y a des séquences, des fragments, mais on ne dit jamais le texte. On improvise avec nos mots la même scène et la même scène de l'auteur. Donc, une fois qu'on... On travaille avec les pieds, avec le corps, qu'on essaie d'explorer ça, de le vivre, de sentir. Exactement. Mais il y a toujours des règles. Il y a une règle. C'est-à-dire que sans cette règle, on ne peut pas avoir de liberté, au fait, quelque part aussi. Donc dans le texte, il y a des rendez-vous. Donc il y a des fragments. Donc il peut avoir une scène, quatre fragments ou trois fragments. Et donc on respecte les fragments. Il y a des... Donc du coup, dans l'improvisation, à la fois... Exactement. Donc on est libre, mais en même temps, il y a des règles. On ne peut pas aller partout. On peut s'éloigner, on peut faire marche arrière, on peut faire vraiment tout ce qu'on veut, mais on revient toujours à nos pas. Parce qu'il y a la ligne du texte qu'il faut suivre. C'est la direction. La direction, le but, l'objectif. Voilà. C'est, il y a l'événement original, qui, on part. Ça, c'est une forme d'improvisation. On part vers l'inconnu. Et il y a l'événement principal, ou Vassiliev, il appelle ça comme un événement principal. C'est-à-dire que on connaît l'événement, la fin, on sait. Mais on s'approche comme si on ne savait pas. C'est comme un jeu. Mais tout doucement, avec les éléments qu'on développe, on fait une rencontre avec le partenaire et c'est ça qu'on appelle l'événement principal. Donc c'est totalement une autre forme d'improvisation. Il y a deux, donc il y a les improvisations de situation qu'on appelle psychologiques, nous plutôt on appelle situation, et il y a les improvisations ludiques. Le jeu n'est pas pareil. Le jeu change complètement. C'est un travail de longue haleine. C'est un immense travail. Il faut travailler. C'est un training. Donc il faut le faire tous les jours, tous les jours. Tous les jours un peu pour pouvoir justement élaborer le plus possible les thèmes qu'il propose l'auteur. Une fois qu'on a bien élaboré, après on s'approche tout doucement au texte dur. Mais il y a aussi, on peut laisser des plages d'improvisation même dans le texte dur. Parce qu'il peut y avoir des moments où on peut improviser même pendant le spectacle. Oui, oui. Et il y a des moments où on ne peut pas improviser. Et donc, du coup, les recherches qui font que, comme on cherche avec le corps, il y a plein de scènes qui naissent comme ça. Il y a plein, beaucoup de scènes, beaucoup de jeux. Et ça aussi, ça reste dans le spectacle. Ça veut dire que tout reste. Il y a juste que nos mots, par exemple, quand on improvise avec nos mots, c'est pas assez fort, c'est pas assez beau que le texte de l'auteur. Et c'est pour ça qu'on prend le texte de l'auteur pour exprimer vraiment pleinement l'idée de l'auteur. Donc avec tout ce qu'on a vécu, quand on met le texte de l'auteur, tout devient clair, tout devient là, c'est là, tout est là. Donc on n'a pas besoin d'improviser, on éprouve même nous les comédiens pas le besoin d'improviser, parce que tout est là. Au lieu de dire quelque chose avec 5 phrases, on le dit avec un mot et ça suffit. Mais il a fallu dire 5, peut-être 10, peut-être 20 phrases pour exprimer ce mot-là. Mais tant que c'est pas trouver comment il faut le dire, comment il faut le faire, comment il faut être avec ce mot-là, on n'utilise pas le mot, donc on cherche. Voilà, c'est ça un peu. Et lorsque vous improvisez sur scène, parce que quelquefois ça fait un peu. Oui, oui. Et lorsqu'une soirée est bien réussie, c'est-à-dire qu'il y a eu un moment d'improvisation extraordinaire, est-ce que vous tentez de le recréer le soir suivant? Pas du tout, c'est vraiment le côté éphémère. Il fallait être là, il fallait prendre l'impro pendant qu'elle passait. Le soir après, c'est une autre histoire. C'est vrai, il y a aussi, des fois, nous les comédiens, on est tentés par le confort. Parce que le confort dit que le lendemain, on a envie de faire la même chose que ce qui s'est passé. Ça s'est bien marché. Les gens ont applaudi, les gens ont été subjugués. Donc, Mais des fois, bon... qu'est-ce qui est important sur scène, c'est la vie. Donc on cherche la vie. La vie, comment créer la vie sur scène, c'est vraiment un grand problème. Moi, pour moi, c'est une quête, quoi. Voilà, c'est un questionnement d'essayer de trouver la vie à chaque fois quand on est sur scène, en tant que conteur, comédien. Bref, en tout cas, nous, qu'est-ce qui fait que la vie peut naître sur scène, c'est les images qu'on crée. C'est les images. On doit travailler par les images. Tout est dans l'image que tu vois. Si un soir, tu as utilisé des images et que ça marchait, très bien, tu as ton image. Le lendemain, tu auras fait. Ça peut fonctionner aussi, parce que ton image est là, est vivant. Mais si ton image meurt, tu ne crois plus à ton image, il faut changer d'image. Voilà, c'est ça. Donc, on peut refaire la même chose, à condition que l'image, elle est aussi vraie et qu'il y ait de vie, oui, on utilise. Mais si à un moment donné ça ne marche pas, il faut changer. C'est intéressant changer les images. Côté vérité en théâtre. Mais lorsque vous êtes plusieurs comédiens, la vérité, c'est pas cette vérité-là, mais c'est quand même assez relatif. Parce que si toi tu trouves que c'est réussi, que l'autre à côté te dis, ben, peut-être que moi, à ta place, je le prendrais autrement. Est-ce que cette façon de voir deux réalités en arrive à des frictions ou vous pouvez, en discutant, en arriver à un consentement sur... Oui, oui, absolument. Parce que la vérité n'existe pas. Non, non. Ce ne sont que des petites vérités qui... Ben, au fait, c'est un peu, je reviens un peu à ce que disait Tchekhov, c'est la vie rêvée. C'est cette vie rêvée que moi, ça m'intéresse. C'est pas vraiment le passé ni le présent, ni ce qui ça peut être le futur, mais comment nous, on le présente, la vie. Comment nous, on a envie que ce soit la vie. Ça, la vie rêvée. Donc du coup, quand on travaille en groupe, on essaie de travailler par image. Donc on dit, ça, c'est cette image-là qui nous parle. Quelles sont les images qui nous parlent le plus ? Alors, des fois, il y a des moments où on est en désaccord. C'est normal, parce que chacun a son passé différent. Et chacun travaille différemment aussi. Et donc, les images parfois, elles sont confuses entre nous. Moi, ça me parle plus, mais pas l'autre. Je peux dire une image à un comédien, il peut dire, mais oui, très bien, mais ça ne marche pas très bien. Donc, il faut trouver... Lui doit trouver son image à lui. Après... L'image qu'on a nous-mêmes et les résultats, c'est quelque chose de différent. Par exemple, je peux avoir mon image qui est très bien, mais sur scène, c'est pas ça. Donc, il faut changer. Et là, il y a un metteur en scène. Hein. Et à un moment donné, il faut qu'il décide de le mettre en scène. Oui, toi, t'es metteur en scène. Est-ce que vous fonctionnez par troupe? Alors, pas, non, c'est ça le problème. Hein. Moi, je le dis que j'essaie de former un groupe, mais c'est difficile à Paris. C'est très difficile. Sans ouais, parce que les gens sont interpellés un peu partout. Exactement, oui. C'est pour le rassembler. Pas, jusqu'à présent, j'arrive pas. Je travaille avec des gens régulièrement, mais pas en tant que troupe. Mais non. Ce qui est compliqué dans ce genre de travail-là, c'est les saisons théâtrales. C'est horrible. Comment tu arrives à dresser, parce que c'est des horaires, hein, c'est une programmation. Mm. Comment tu arrives à... Parce que c'est toi qui met en place la programmation. Ben oui, oui, c'est un peu moi avec l'équipe, ouais. Comme on peut, en fait. On met en place les programmations, mais c'est ça. Le problème, c'est qu'il faut s'y prendre un an et demi, deux ans, trois ans en amont. C'est un grand problème pour moi. Ça doit se passer comme ça. Est-ce que c'est pour aller chercher les droits d'auteur ou si c'est pour aller chercher la troupe, les gens qui vont travailler là-dessus? Pendant ces années-là? Ouais. Moi, je ne fonctionne pas vraiment comme ça, okay. En fait. Non, non, non. Moi, ce n'est pas ça. L'idée, c'est de travailler tous les jours. Donc, nous, on travaille, on crée des spectacles et après, on propose aux gens. Aux gens, c'est qui ça, les gens? Aux gens, c'est le directeur de théâtre. Okay. Ceux qui s'intéressent à mon travail. Et je peux vous dire que... Le problème, c'est, en fait, mes spectacles sont... Moi, un jour, on m'a dit, Simon, pourquoi tu fais ça? Tu devrais faire un spectacle avec une table, une chaise, sans rien, des petites choses. Comme ça, tu vas jouer, les gens vont t'acheter, ils vont te programmer. Qu'est-ce que tu veux faire avec toute cette terre? Il y a plus de 2000 kilos de terre sur scène. Qui va te programmer? Tu vas le rendre fou, les gens. Je dis, mais oui, mais c'est ça qui m'intéresse. C'est la terre, c'est les bâtons, c'est le bois, c'est ce qui est vieux, ce qui est ancien, ce qui est vivant. C'est ça qui... La terre parle. Tu sais, quand tu mets la terre sur scène, tu mouilles un peu. Quand le public rentre, il y a une odeur de la terre. Et les gens sont... Oh, merci. Déjà, ils sont là, ils disent merci de m'avoir fait goûter cette odeur. Donc... Notre côté qui est très dénaturé par la ville revient rapidement à l'essence, à nos racines. Oui, oui, moi je suis attaché à la terre, j'étais berger, donc moi c'est ça qui me parle. Donc du coup, je ne peux pas faire semblant de faire autre chose de ce que je suis, de ce que j'ai envie de faire. C'est plus important pour moi de galérer dans la rue avec sans chauffage, jouer dans des lieux qui n'ont rien, qui n'ont pas de sous, qui n'ont absolument rien, de travailler et faire ce que j'ai envie de faire. J'aime pas faire de compromis. Je commence à faire du théâtre avec cette idée que je ne ferai jamais de compromis. Je ferai ce que j'ai envie de faire. Sinon, j'arrête. Aucune censure. Je m'arrête et j'arrête ça et puis je fais autre chose. Puis tu pars aussi d'un pays où il y en a de la censure. Donc c'est pour ça que tu veux te libérer de tout ça. Ça, c'est difficile à trouver. Ouais, c'est vrai. Tu quittes un endroit où tu n'étais pas libre, dans tous les sens du terme. Ouais, les idéologies étaient emprisonnées. Et là, tu arrives dans un soi-disant pays où où on a droit de tout dire et tout montrer. Donc pourquoi, pourquoi se freiner? Alors voilà, c'est ça. En fait, moi j'ai monté un spectacle d'Emrojek, Les Immigrés. Les Immigrés d'Emrojek, c'est deux personnages, intellectuel et ouvrier. C'était un moment de ma vie qu'il fallait que je monte ce spectacle. Donc j'étais à la fois ouvrier et paysan et l'intellectuel qui voulait faire quelque chose d'exceptionnel. Ils se trouvent dans la cave, tous les deux. Et à un moment donné, il veut écrire, l'intellectuel, un livre sur l'esclavage. Donc c'était son inspiration. Donc il y a un moment donné, ils se disputent et disent, toi, tu es un esclave, il dit. Ton âme, tu as une âme d'esclave. Il dit, mais comment ça, j'ai une âme d'esclave? Comment tu peux savoir? Si, parce qu'au pays, tu étais esclave des humains. Ici, tu es esclave des choses. Les choses que tu possèdes, les choses que tu as envie de posséder. Et moi, j'ai envie d'ajouter encore une petite chose à partir de ça. C'est qu'ici, on est esclave des choses, mais derrière les choses, il y a encore les humains. C'est-à-dire qu'on est devenu esclave de deux. Donc, des choses, mais des humains qui dirigent ces choses-là et qui nous dirigent à travers les choses, nous aussi. Et c'est ça, en fait, c'est ça que je n'accepte pas. Encore aujourd'hui. Oui. Soit on aime tel que je suis, comme je suis là. L'authenticité et la vérité. Ou bien, voilà, ou on n'aime pas et puis voilà, je jouerai pas ailleurs, dans le théâtre. Ils passeront par un autre chemin pour pas te croiser. Voilà, ouais, possible. Ben oui. On n'est pas obligé de tout le monde. Absolument. Et comment t'en fais aujourd'hui? Tu travailles depuis quand même assez longtemps. Comment les écrits, comment les rôles t'ont modelé, t'ont changé? Depuis le début, le petit garçon qui arrive ici à 15 ans et qui ne sait pas comment prendre le métro, jusqu'à aujourd'hui, une œuvre de Tchekhov. Oui. Moi, j'avais une soif de connaissance. Chez moi, je me sentais idiot, mais en même temps, je sentais que je savais des choses. Sensation, mais je ne connaissais rien. C'était inné. Voilà. Je ne connaissais rien, mais je sentais que je ne savais rien. Okay. Je savais rien. Okay. C'était creux. Oui. Exactement. Je sentais que je suis creux, mais il faut le remplir. Alors, l'être humain, je pense, c'est comme une boîte vide qu'il faut la remplir. Alors, je cherche à la remplir. Et je fais encore ça. J'essaie de remplir. Donc, les rôles me remplissent. Exactement. Cette pièce de Les Immigrés de Morgeux que j'ai mis en scène, j'ai pas joué, mais elle m'a rempli, elle m'a beaucoup appris énormément cette pièce. C'est une pièce magnifique, écrite d'une manière très très bien. Il y a une autre pièce que j'ai montée de lui, c'est Jour d'été. Je me suis rendu compte en fait que je travaille beaucoup sur la dualité, cette dualité, donc moi et cet autre qui est là. Donc tout joue à cette dualité, c'est double, c'est comme un peu il y a un petit... Le yin et le yang, une tyrannie. Voilà, je suis attiré. Donc du coup, je continue inconsciemment à travailler sur ce double. Donc dans Les Immigrés, il y avait double, deux personnages. Jour d'été, il y a deux personnages et une femme en plus. Mais là, le conflit, c'était entre les deux personnages. C'est lui qui réussit, c'est lui qui ne réussit pas. Et la femme, elle arrive. Mais c'était le conflit, c'était entre les deux. Donc, après, j'ai monté un autre spectacle, L'Homme de sous-sol, de Dostoïevski. Et là aussi, il y a un double. Parce qu'il rejette la vie extérieure, la vie active, l'homme spontané, l'homme d'action. Il rejette toute cette vie-là, la vie de palais de cristal, et il va dans le sous-sol, dans la profondeur. Donc, cette nouvelle, j'ai mis beaucoup de temps à travailler, énormément. Je travaillais avec des comédiens et ça ne marchait pas. Après, j'essayais de faire avec d'autres comédiens et puis je finis par faire tout seul. Donc, le double, c'est... J'ai apporté un peu ce que je suis. Donc, ce que je suis, c'est ma culture et cette tradition. Donc, avec c'est cette confrontation entre moi ici et ce passé qui est là. Et ce que vers où je vais aller. Donc, il y a ce double. C'est que moi, je suis bien, mais il y a quelque chose de profondeur qui m'attire, là, comme ça, qui me dit, mais viens, viens. Et je suis en confrontation, en conflit avec ça. Donc, du coup... tous ces personnages-là m'ont apporté, m'ont questionné dans la profondeur de ce que je suis, de ce que je veux devenir. Est-ce que le médium cinématographique t'attire? As-tu déjà été approché pour faire des films ou... Ouais, non, mais non, mais... Cinéma, Ouais, je suis un peu loin, c'est un peu compliqué, hein. Je suis un peu loin. Ouais. Non, j'aimerais bien faire du cinéma, j'adore le cinéma, j'aime beaucoup le cinéma d'auteur. Ouais. Je parle pas du cinéma. Ouais. Justement, c'est ça le problème, parce que ici, c'est des familles, c'est des rencontres, il faut prendre le temps pour faire ça. Et bon, on m'a fait appel des fois, mais c'est pour jouer des mafieux, des macros, des hommes un peu, enfin, je trouvais pas ça intéressant et je me suis un peu découragé parce que je suis impatient. Il y a un côté, j'ai besoin de travailler. Donc du coup, j'avais du mal à attendre comme ça pour faire un petit rôle à la con, passer ma journée à plus ou moins à rien faire pour quelque chose que ça valait vraiment pas le coup. C'était pas pour ça que je voulais faire acteur. Moi, c'est vrai, quoi. J'avais envie de... Si je fais demain une rencontre avec un réalisateur qui est intéressant, qui m'intéresse ou... que je l'intéresse, qu'il m'appelle, je serais ravi de faire un travail vraiment de profondeur en tant qu'acteur. Mais j'ai pas eu cette rencontre jusqu'à présent. Non, j'ai pas eu. Mais oui, si, j'aime. J'adore le cinéma. Là. Es-tu du genre à aller vers les gens pour solliciter du travail? T'es plutôt dans ton coin à amener le travail vers toi et à te faire voir à travers les producteurs, les réalisateurs, les gens qui font du théâtre. Parce que ce qui est bien, c'est d'être sur scène par ses pairs puis être demandé par la suite. Ouais, j'ai essayé ça. J'ai essayé d'aller vers les gens. J'avais fait mon book, mes photos, mais tout ça. Quand je suis sorti. Fait un folio. On appelle ça un folio. Ouais, j'ai fait. Ça ne marchait pas. Et j'étais triste et tout. Je me dis, mais bon, comment il faut faire? Tu cherches des solutions. Il n'y en a pas. T'as pas les bonnes cartes, c'est des bonnes cartes, quoi. C'est terrible. C'est ici, bon, voilà. Donc du coup, comment il faut faire? J'ai pas trouvé. Et après, je suis tombé sur une réplique sur ce qu'il disait Dostoïevski. Un riche ne lui tend jamais la main. C'est à lui de donner ce qu'il veut donner. Donc il y a quelque chose comme ça. C'est pas des. C'est-à-dire que j'ai essayé, j'ai vu que ça marche pas. Donc quand je vois quelqu'un qui me plaît, que j'aime, J'y vais le voir. Je le fais, ça. Demain aussi, je le ferai. Je continuerai de le faire. C'est une question d'envie, en fait. D'envie. Oui, si. Il y a plein de gens avec qui j'ai envie de bosser, mais j'ai pas l'occasion. Des fois, j'écris, mais ça marche pas. Et eux, ils me répondent pas. C'est pas grave, j'écris. Ça me soulage, ça me fait du bien. Et voilà. Oui, puis au moins, ils l'ont peut-être lu. Oui. Au moins, la lettre est lancée. Voilà. C'est comme une bouteille tirée à la mer. Voilà, c'est voilà. Oui, c'est ça, voilà. Bon, voilà. Et le métier de comédien en 2013, c'est pas de plus en plus difficile parce qu'il y a beaucoup de comédiens et comédiennes. Oui. Il y avait quelque chose comme... Le métier, le vrai métier, est-ce qu'on peut dire le vrai métier? Oui, mais qu'est-ce qu'un vrai métier? Voilà, hein, donc il y a beaucoup de gens qui veulent devenir comédiens. C'est bien, moi je pense que plus il y a des comédiens, mieux c'est, plus le théâtre se porte bien. Vraiment, il faut qu'il y ait encore deux fois, trois fois plus de comédiens. Parce que comme ça, et les parents vont venir voir au théâtre, les cousins vont venir. Oui, c'est tout le monde va venir. Ils vont dire. C'est un peu comme à l'école, tu montes un peu de théâtre et la famille. Tout le monde est là. Mais quand même, ça amène très peu d'eau au moulin. Oui. Il faut quand même vivre. Alors, voilà. Alors, il faut vivre. Donc, je pense qu'un ami m'avait dit un jour, Simon, l'important, c'est pas de travailler comme comédien, c'est de durer. Et c'est dans la durée qu'on voit les choses aussi. Donc voilà, c'est la durée. On est là et je suis content d'être là, de continuer petit à petit à faire les choses, tout doucement. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Voilà. Si j'ai 10 questions, puis tu peux te lancer dans n'importe quelle réflexion. Si tu étais un liquide. Un liquide? Un liquide? Ben, je glisserais... à travers la tête de certaines personnes, des gens qui... Oh, mais quel liquide tu es? Un liquide... Alors voilà, c'est-à-dire qu'au fait, un jour, il y a un conte chez nous qui dit il y a la chance et l'intelligence qui se disputent. L'intelligence dit, c'est moi qui tiens l'homme debout. C'est grâce à moi que l'homme vit. La chance dit, non, c'est moi. Il dit, d'accord, on fait un essai. Il prend un homme paumé, absolument. Et la chance dit, bon voilà, il va trouver une pierre précieuse. Il prend la pierre précieuse, l'homme paumé ne savait pas quoi faire avec ça. On va jamais au roi. Le roi, il le prend et il dit, mais dis-moi, toi, tel homme, tu m'apportes une pierre au roi. Quelle générosité, qu'est-ce que tu veux? Dis-moi tout ce que tu demandes, je te le donne. Il dit, il ne savait pas parler, il faisait juste comme ça. Non, toi tu restes ici, je te donne ma fille pour femme. Il lui donne sa fille. Il dort avec sa fille, nuit, deux nuits. Mais pendant qu'il dormait ces deux, trois nuits, sa femme dormait sur le lit et elle, lui, par terre. Et il ne parlait pas. Il dit, roi, alors, t'es content avec ton amoureux, ton mari? Il dit, moi je ne comprends pas, mon père, il dort par terre depuis trois nuits et il ne me parle pas, je ne sais pas ce que je lui ai fait. Il dit, amène-le ici. Alors, t'aimes pas ma fille ou tu dors pas avec elle? Il fait comme ça, je ne sais pas. Mais parle! Mais dis quelque chose! Rien! Bon, si tu dis rien, on va te pendre. Allez, on va l'amener pour le pendre. Et il l'amène pour le pendre. Et la chance dit, voilà, j'ai emmené jusque-là cet homme-là. Maintenant, je ne peux rien faire d'autre. J'ai fait tout ce que je pus. Mais vas-y, toi, la pensée, fais quelque chose. La pensée, elle est entrée dans la tête de Jean, de cet homme-là. Et tout d'un coup, il dit, ah, j'ai une idée. Excusez-moi, est-ce que je peux voir le roi encore une fois? Il dit, oui. Ah, le roi. Votre fille, elle s'est précipitée un peu. Vous savez, si je n'ai pas dormi la première nuit avec votre fille, c'est pour remercier le Dieu de m'avoir donné cette chance d'être votre gendre. Et si je n'ai pas dormi la deuxième nuit, c'est de prier pour votre santé, mon roi. Et si je n'ai pas dormi la troisième nuit, c'est pour prier la santé de tout le palais, mon roi. Mais rassurez-vous, la quatrième nuit, cette nuit, je vais bien dormir avec votre fille. Vous allez voir que je dormirai bien avec elle. Donc, c'est un peu, si c'est liquide, ça peut être cette pensée que ça peut entrer dans les gens. C'est cette pensée. Alors, c'est un liquide, intellectuel. De réflexion, de connaissance. Si tu étais une ville. Une ville. Alors, une ville, si j'étais une ville. Une ville sans voiture, par exemple, ça aurait été cool. Des chevaux, des calèches, des gens à pied. Des spectacles dans la rue, sans violence. Si tu étais une langue? Eh bah de connaître toutes les langues du monde. Ça aurait été cool, ça, savoir parler dans pour toutes les langues. Pour courir avec n'importe qui, ouais, ça, c'est génial. Sans aucun... Oui. Sans aucun problème technique. Non, ouais. Communiquer. Même sans la langue, on arrive à se comprendre avec des gens, mais oui. Des fois c'est une barrière. Mais pourquoi pas, c'est un plaisir d'entendre des langues différentes. Le cinéma muet a témoigné, on n'était pas obligé de. Obligé. De... Si Charlie Chaplin a fait sa carrière. Si tu étais une époque. Alors, une époque, c'est. J'ai réfléchi beaucoup en fait, parce que quand on fait des spectacles, on dit ah, telle époque, c'était magnifique. Non, à la limite, une époque, j'aurais aimé que ce soit une époque sans violence en fait, cette époque-là. Il n'y a pas d'époque passée qui n'avait pas de violence, c'est pas vrai. Donc c'est à la limite une époque future que j'aurais aimé vivre, où sans ces intérêts personnels, cet égoïsme de chacun. Cette folie de l'argent, cette folie de matérialisme. J'aurais aimé vivre sans cette folie, absolument. Et c'est quelle époque? Futur. Futur, avenir. Avenir. Ça n'existe pas. Tout est pour le mieux. Tout ira pour le mieux. Tout est pour le mieux. Si tu étais un aliment. Un aliment? Un aliment. Un aliment, je sais pas moi, qu'est-ce que je peux dire, un aliment. Les aliments, je sais pas quoi dire. Hein. Si j'étais un aliment, mais tu te fais manger à chaque fois. Ça peut être non comestible. Hein. Un champignon qui... Ah oui, un champignon. Franchement, j'ai pas d'idée. Hein. Qu'est-ce que je peux dire? J'ai pas d'idée. Un champignon. Une framboise? Une framboise. T'es tellement exactement. Si tu étais un mot. amour. J'aurais été ce mot amour. Ouais. C'est ce qui manque aujourd'hui. Ouais. Ça manque un peu d'amour entre les gens, entre les cœurs des gens. Un peu de douceur, quoi. Il y a trop d'agressivité. Même parfois dans la vie quotidienne, simple. Je parle pas des guerres. Hein. Mm-hmm. Au-delà de la guerre. Ouais. Si tu étais une saison. Une saison. L'été. Un été chaud, pas un été plus chaud, bleu. Quoi. Soleil. Si tu étais un membre corporel. Ah. Les yeux, voir. Qu'est-ce qui se passe? Aveugle, tu serais vraiment triste. On dit souvent qu'aveugle, il y a d'autres façons de voir que les choses. D'autres sens qui s'animent et qui se développent. Par rapport à ça, il y a. Moi, je ne sais pas si c'est triste ou pas. Je n'ai jamais été. Donc, je ne suis pas. Mais tu n'as jamais passé une journée, les yeux bandés. Il y a des exercices parfois au théâtre qu'on fait ça, c'est terrifiant, quoi. C'est un peu difficile. 5 minutes, ça va, mais une journée, c'est long. Oui, une fois, on avait fait 1h30, je bandais dans un exercice et c'était vraiment quelque chose. Ah, c'était pénible à la fin. Ouais. Si tu étais un moment de la journée. Moment de la journée, j'aurais aimé le matin, le lever du soleil, c'est tellement doux. Tu es un couche-tôt et un lève-tôt. Je peux être les deux, en fait. Ça ne me dérange pas. Ça dépend. Moi, j'aime bien me lever tôt, en fait. Je dors. Même si tu te couches très tard, tu te lèves tôt. Je peux me lever tôt. Oui. J'aime bien, oui. Je vois pas. Non, je regarde là. Pardon. Si tu étais un autre individu. Un autre individu. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour les poètes. J'aime beaucoup. Actuel ou passé? Surtout passé, en fait. Vraiment, je sais pas. Passé, ouais, plutôt passé. Les poètes, pour moi aussi, je considère l'art de l'acteur comme, avant tout, un acteur, c'est un poète, un artiste. Et ça me plaît beaucoup, cette idée. La poésie du personnage, la poésie de ce qu'il fait, de ses actions, de ce qu'il écrit, de sa pensée. Ouais, un poète, ça c'est cool. Ouais. Des chanteurs, poètes. Ah, tu voudrais chanter? Ah oui. Est-ce que tu travailles aussi éventuellement à être seul sur scène, à te produire, à écrire tes propres textes? Alors, j'ai tenté là à faire, mais je n'écris pas, mais j'ai co-écrit un texte avec un ami. Mais être seul sur scène? J'ai fait des monologues tout seul. Oui. J'ai fait ça. Et puis? Et là aussi, il y en a un, on est deux. Mais avec Dostoevsky, j'ai fait un monologue. Et puis, être seul sur scène? Seul sur scène. Ouais. Et puis, comment tu te sens? Parce que là, il n'y a personne pour t'aider si tu te plantes. Qu'est-ce qui se passe là? Si t'as un blanc, s'il y a rien qui fonctionne? Alors, j'ai fait un spectacle qui a été très, très dense. L'homme de sous-sol, c'est un des spectacles les plus denses que j'ai fait. Et seul pendant 1h20, il y a une densité terrible. Le texte est très dense et puis c'était très physique. Et on avait travaillé beaucoup dans le corps. Et dans le texte, j'ai pratiqué donc du coup cette méthode où il y a des plages d'improvisation. Donc il y a le texte et puis on arrive à des plages d'improvisation, on improvise avec les gens. Le public, je suis un peu en bifrontal, je suis au milieu des gens. Okay. Et c'est ça, je pense, c'est le plus dur. C'est d'être au milieu avec un texte qui demande une rigueur et le corps une rigueur et d'être là. Et comme là, je te parle, je parle aux gens. Et c'était vachement difficile ça. Et ça me plaît parce que ça me fait penser un peu à l'univers d'Artaud, comment Artaud voyait le théâtre. Est-ce que tu sens loin de cet auteur-là ou... Alors, quand j'ai monté un spectacle qui s'appelle Les Sœurs Siamuses. Les Sœurs Siamuses, c'est une création collective sans texte, qu'avec des bruits. Avec des gros moulots, on a pas gros comme ça, quand il y avait du texte, une chanson, c'est tout. Et du coup, j'ai travaillé avec la poubelle, tout ce qui était récupération, j'ai mis sur scène la poubelle. Donc c'était deux sœurs qui sortaient de la poubelle et qui allaient à la quête de leur père. Et c'était un voyage, elles voyageaient à travers ces objets qu'ils avaient trouvés dans la poubelle et tout. Et à la fin, elles se séparent. Chacun vit sa vie, elles vont s'affirmer et elles vont continuer leur quête de vie. C'est un peu ça. Parce qu'on ne sait pas pour se retrouver. Donc elles continuent à s'affranchir. Et ce n'est pas pour s'affranchir. Et je sais qu'il y a, il y a eu des gens qui sont venus, et surtout une spectatrice qui est venue, mais j'aimerais bien écrire une thèse parce que ça m'a fait penser à Artaud. Ok. Voilà, c'est vraiment ça m'a fait penser à Artaud. C'est parce que j'étais. Et c'est vrai, je me suis. Ça m'avait touché dans Artaud. Ce qu'il disait, c'est que. On doit faire du théâtre avec les sons, les objets, les mots, quelque chose qui est pas, comment dire, qui est autre que les mots, que le langage. Donc, du coup, ça m'avait interpellé, j'ai trouvé ça vraiment génial. Et je voulais un peu, oui, je me suis inspiré un peu de ce qu'il disait, à créer quelque chose avec des sons, des mots, des mouvements du corps, avec le corps raconter quelque chose. Et ça, ça fait assez proche d'Artaud. Alors, tu te sens quand même assez près de cet auteur-là, de cette, de cette vision du théâtre qui est quand même singulière. Oui. En fait, le corps, pour moi, elle est là. Enfin, le problème du corps, c'est ça qui m'intéresse le plus, le corps, c'est cette sincérité du corps, le mouvement. Je travaille avec une chorégraphe qui, elle a fait beaucoup de buto. Ouais. Du buto, yoga aussi, pas mal de la danse classique, hip-hop. Elle a vraiment fait beaucoup, c'est une Italienne, et elle est dans le corps. Et on travaille énormément sur la qualité du mouvement. Donc du coup, il faut travailler énormément le corps pour trouver une qualité, une justesse. Voilà. Donc, et ça, je suis proche de Stanislavski avec ça parce que lui aussi il travaille le corps. Je suis proche de Meyrold, je suis proche de Artaud, Peter Brook aussi il travaille le corps, Grotowski. Donc tous ces gens-là ils sont intéressés au corps. Oui, je trouve ça intéressant. Et pour moi c'est la base quoi. Et quelle musique active ton esprit? La musique? Ouais, quelle musique active ton esprit, ta création? Parce que j'ai vu que tu avais des CD. J'ai jamais des CD, c'est la musique. J'aime beaucoup un peu qui sont profondes, un peu comme la polyphonie albanaise. La polyphonie, il y a quelque chose de très ancré en sol. Et ça envoie des images. Okay. Après, il y a des musiques comme aussi, comme Nino Rota, que j'adore. Et là, actuellement, tu as amené quoi comme... J'ai amené quelques musiques de la polyphonie. Et aussi, non? Albanaise. Albanaise, ok. C'est plus ou moins la même chose, mais pas tout à fait. Oui, c'est un peu moins culturel. Oui. Alors, ça, c'est un peu, ça s'appelle les mystères albanaises. Okay. Et là, il y a vraiment beaucoup de styles différents de musique. Il y a des mélodies, il y a des chants à deux voix. C'est un mélange de... Et ça t'amène des images? Beaucoup, énormément. Et ça c'est la polyphonie, ça c'est vraiment la polyphonie, c'est très très puissant, ça vient plus du sud de l'Albanie. Et ça te rappelle, ouais, ça te rappelle ton passé, ça te rappelle... Alors la polyphonie en fait c'est un peu bizarre chez nous les Albanais, parce que pendant 40 ans Enver Hoxha, le dictateur, a été au pouvoir en Albanie. Et vous savez, lui, il avait peur de rien sauf des légendes et la polyphonie. Il n'y avait que ça qu'il craignait. Donc du coup, il essaie de l'approprier. Et il demandait aux chanteurs de prendre une photo avec, pour dire au monde que j'aime. Voilà. Et il demandait aussi aux chanteurs, il forçait de chanter des chansons à son nom. Ça, c'est terrible. Et des voix magnifiques, on chante la gloire d'Enver Hoxha. Donc, du communisme, c'était terrible. Et donc, du coup, quand j'ai mis la polyphonie dans mon spectacle, L'homme de sous-sol, il y a beaucoup de musique albanaise, la polyphonie. C'est une rencontre que je voulais faire, c'est le duo de ce qu'il y a. Et il y a eu des Albanais qui sont venus, ils sont restés atterrés. Ça les a choqués, ils n'ont même pas applaudi. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Ils n'ont pas applaudi parce que ça les a touchés, dans le sens où leurs parents, ils ont fui le communisme, où ils étaient baignés de ces chants, polyphonie, c'est tradition, c'est riche, c'est un monument, c'est un monument. Et du coup, ça, ils ont resté avec ces images. de cette polyphonie où ils chantent l'Enver Oja. Et donc du coup, quand ils entendent ça, ça tout de suite, ça crispe, ça rappelle tout de suite le passé. Exactement, ça rappelle pas la beauté de cette culture, tout ça. Non, ça rappelle à une époque, ça rappelle une époque. Et moi, j'ai pas connu cette époque en Albanie. C'est pour ça que tu as osé le mettre sans savoir que ça... Mais attention, les paroles, ça ne parle pas du tout du communisme. Non, ce sont des paroles d'autres, d'amour, historique. Ils ont politisé. Mais moi, quand j'ai mis des chants albanais polyphoniques, j'ai mis des chants de la poésie, j'ai mis des chants d'amour, ils racontent une histoire, d'une histoire du pont, des légendes, ils racontent des légendes, ils racontent des contes, ils racontent des choses très, très profondes. Mais donc, ils ont détourné ça à l'effet politique. Exactement. Et c'est ce qui les a blessés. Exactement. Donc ça tout dépend de qui écoute en tant qu'Albanais. Oui. Est-ce que c'est un Albanais d'Albanie, du Kosovo, de Macédoine, de Monténégro, de Serbie, de Grèce. Un Français, un Suisse, un Belge, un Québécois. Tout dépend. Mais surtout nous, les Albanais, on a un rapport plus direct, par exemple. Donc du coup, nous, moi, en tant qu'Albanais du Kosovo, ça me touche parce que ça me rappelle mon enfance, ça me rappelle les contes, ça me rappelle tout ce passé qui mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, ça ramène quelque chose d'ancien qui est là, qui est dans les gènes et que inconsciemment je ne sais pas, mais tout est là. Voilà, c'est ça qui réveille en moi. Ça réveille ces sens que je ne maîtrise pas. C'est les racines qui reprennent. Qui remontent. Et ça, c'est un peu l'Edith Piaf albanaise. Elle s'appelle Kenya? C'est un peu notre... Non, c'est... Voce Lela. Ok. Écoutes ça assez souvent? Oui, ça... C'est comme une œuvre d'art, en fait. De temps en temps, on a besoin d'écouter. De se ressourcer? Oui, d'écouter, de se faire plaisir, de rêver. Et toi, c'est rassurant, cette musique-là est rassurante? C'est pas... Oui et non, ça dépend. Ça dépend des moments de la vie, ça dépend de la journée. Oui, ça dépend avec qui on est aussi. Hein. Oui, ça, c'est un peu spécial. Ça sont des rhapsodes. Okay. Ce sont des gens qui vivent dans les villages et les montagnes. Okay. Ah oui. Et eux, ils chantent des chants épiques qui durent pendant des heures et des heures. Et ce sont des gens qui ont gardé cette culture orale qui a été transmise de génération en génération. Ce sont les derniers survivants. C'est de l'oralité. Exactement, tout est là-dedans. Tous les contes, tout ce qui est de riche chez nous, ça vient de ces chanteurs. Nous, on n'a pas de littérature, vraiment. Notre littérature, ce sont des contes. Des contes, des légendes. C'est ça, ce qui nous reste du passé, en fait. Alors, tout ce qui est ancien, il n'y a rien à part ces légendes, ces contes. Eux, c'est un peu le symbole. Ah, c'est bien. Ceux qui transmettent. C'est l'essence. C'est génial. Et c'est un peu ça aussi. Alors lui, c'est les mêmes, plus ou moins les mêmes, mais lui, c'est vraiment une star. C'était une star de chez nous. Okay, oui. On adore. Il vient de ma région, pas loin de ma ville. Est-ce que c'est festif? Ah oui, ça c'est dans les mariages, on écoute, hein. Dans les mariages, c'était pas comme ici, pas comme maintenant. Ça dure une après-midi. Une époque, ça durait 3 jours, le mariage. Dans 3 jours, on faisait la fête, jour et nuit. Et lui... Le divorce, c'est aussi 3 jours. Le divorce, une heure. C'est ça le problème. Donc ça, c'est un peu différents types de gens qui... des chanteurs, que j'aime bien, voilà. Exactement. Après, il y en a d'autres, mais il y a aussi, j'aime bien aussi les chants de Calabre. Ah oui? Calabrien, oui, les chants de Calabre, parce qu'au fait, pendant l'Empire Ottoman, dans les années 1500, les Turcs sont venus chez nous, ils nous ont occupés tout simplement, et puis il y a des gens qui n'ont pas supporté ça, ils sont fuis en masse l'Albanie, ils sont allés s'installer en face de l'Albanie, qui est l'Italie, de la région de Calabre. Et depuis 500 ans, ils ont gardé leur culture, leur langue, leur tradition intacte. Les chants, les habits intacts. Rien n'a bougé. C'est incroyable. Ah oui, ils ont développé ça. Ils vivent très bien dans l'Italie, ils parlent deux langues, mais leur culture, ils sont restés comme ça. C'est bien ça? Il y a des chants, je peux vous faire écouter, ils sont magnifiques. Alors ils n'ont pas internet, ça c'est merveilleux. Et ils rêvent toujours à cette époque de l'Albanie qui était à l'époque. Parce que maintenant, il faut le dire que depuis les Turcs sont venus, il y a eu des mélanges, on est un peu orientalisé du coup. Parce que nous, on était tous des chrétiens à la base. Et voilà, avant d'être chrétien, on était un peu païen. Bon, après, christianisme, et puis ensuite. Est-ce que tu y retournes quelquefois? Oui. Qu'est-ce que ça te suscite comme vibration? Bien, maintenant, c'est un peu mieux qu'avant. J'accepte mieux les choses, les changements, tout. Ça va, tout va bien. Bon, là-bas, ce qui reste, les souvenirs d'enfance, c'est cette période que j'ai vécue là-bas. Maintenant, ça a changé. Bon, il y a des choses bien, des choses mauvaises. Tu vas passer vers les sentiers de ta jeunesse, la maison que tu avais. C'est double tranchant là-bas. Il y a des bons souvenirs, des mauvais souvenirs. C'est toujours comme ça. Malheureusement. À choisir, est-ce que tu fais le même chemin? Ah, il faut pas me dire ça. Moi, j'ai envie de vivre 5 vies, 10 vies. Et une seule. Ouais, non, je suis content de ce que j'ai vécu, mais si on me donne la chance de vivre encore une fois, je prendrai une autre vie, c'est normal. Vivre autre chose. J'ai déjà vécu ça. Pourquoi faire? J'ai vu autre chose. Être quelqu'un d'autre. Un Québécois riche. Ah, ce serait génial. Oui, dans les champs. Voilà, au fin fond du Canada. Québec. J'adorerais avec les chevaux de traîneau, quand on cherche du bois, on cherche du poisson, on mange. C'est magnifique ça, j'adore. Simon, merci d'être passé à mon émission. Ah ben merci à toi. C'est merveilleux, t'es rempli de soleil, t'es rempli de personnages, un gars authentique, un garçon authentique. Ah, c'est gentil, merci. Ça m'a fait plaisir de te rencontrer, de manger tes framboises exceptionnelles, éventuellement de boire ton eau de vie. Ah oui, il faut goûter. Hein. Oui, t'es vraiment un gars, même avec mes chambreurs, parce que je reste dans une auberge de jeunesse. Ah oui. Je fais goûter à 3 États-Uniennes. Ah. Donc, si ça mène le délire, je vais t'en remercier. Je vais faire quelque chose. Eh bien, Simon, on se retrouve quelque part dans le monde. Eh bien, normalement, je vais venir en octobre à Montréal, Montréal et Québec. Pour il y a le festival interculturel des contes. Et on va venir avec la maison Alphonse Daudet. Fais-moi signe, toi. Et on fera signe. Fais-moi signe. Et avec Bernard Grondin, on va certainement compter à Québec. Écoute, à Québec, je veux te voir sur scène. Ah, ce serait le top. Je prendrai quelques journées de congé pour aller t'applaudir. Ah, merci. Ah, ben le monde est petit, Simon. C'est génial, merci. Merci de t'avoir rencontré. Bah, merci à toi. À la revoyure. À la revoyure. Ah bon? C'est bien dit, hein. Revoir, revoyure. Ah, j'avais pas compris. À la revoyure. À la revoyure, ah d'accord. Ça tourne, hein. C'est très linguistique, revoyeur. C'est beau. Merci. J'aime bien. Bye.